Voilà, au moins ça a l'avantage d'être clair, ça on n'a pas besoin de vous le traduire. 22h à la pendule de Radio Béton, retour à la diff internationale avec une glissade dans la prochaine doublette, hein, puisqu'on va d'abord s'écouter Feral, qui pour le coup est un groupe français de Crusty Grindcore. Ils sortent là leur premier album studio, second album studio, ça y est, faut que je m'en remette là. Spiritual Void, et dans la foulée Devil in Me, le groupe de hardcore portugais. On the Grind, c'est le nom de leur nouvel effort studio, c'est contre le titre In Loving Memory. Et juste avant ça, donc Feral qui nous permet de clôturer l'aspect française avec le morceau Death Stranding. Set the mirror on down. Bitch. coupe la dernière note. On enchaîne avec une doublette de nouveautés. Tout d'abord, Spitfire, vieille formation qui nous vient de Grèce, qui donne dans le heavy power. Groupe actif à la fin des années 80, le temps d'un album. Puis plus grand chose jusque 2009. Puis rien du tout jusque 2022. Donc voilà, 30 ans de carrière et plus de 30 ans de carrière. Et 3 albums seulement pour Spitfire, donc ça sonne old school et c'est old school. Denial to Fall, le nom de leur 3e effort studio. Et en doublette avec Spitfire, un groupe qui nous vient de Russie, Ice Flamen. L'album est en russe, donc je pourrais pas vous donner le titre en russe, hein. Traduit en anglais, ça donne sobrement Follow Me. On est sur du Black Atmo. Voilà, second effort studio, pardon. T'as un truc à dire ? Attention, te mets ton micro à l'antenne. Du coup, ouais, t'as un truc à dire sur Ice Flamen ? C'est mieux. Ouais, il est. Non, mais là, j'ai écouté deux morceaux dessus. J'ai pas encore pris le temps de l'écouter en entier, mais il a l'air d'être assez cool. Il y a une espèce d'ambiance à la The Grateful Ones qui apparaît. Et ouais, je pense que ça vaut le coup de se mettre une oreille dessus pour cet album. Donc voilà, le bon conseil du jour. Intéressez-vous à notamment Ice Flamen. On s'écoutera le titre The Land's Edge et juste avant ça, Spitfire avec le morceau Wasted. retrouve de nouveau, un peu plus durablement, l'ami Thibaut pour le deuxième focus de l'émission de ce soir. Alors, je sais plus combien tu en as prévu. C'est le dernier. C'est le dernier. Ouais. Et là, du coup, c'est un focus sur la scène internationale. La scène internationale. Bah oui, parce que tout à l'heure, le focus, c'était un groupe français. Ah oui. C'est... Bah voilà, suis un peu. Oui, oui. Donc, deuxième focus de la soirée. Et on va du côté de l'Écosse pour une formation qui nous vient de la ville de... J'ai oublié le nom. Bravo, un truc bien préparé. Ouais. Ah Dunfermline. Ouais, merci. Party Cannon, un groupe de, je vais dire, de slam death gore grind pour brasser assez large, qui sort son second album. Ils avaient déjà sorti un album en 2015 qui s'appelait Bong Hit Hospitalization. Qui personnellement m'avait pas plus marqué que ça. En fait, le nom du groupe, hein, Party Cannon. On est sur du slam qui se veut festif. Comme disait Slam, brutal death, un peu grind au sens très large, qui se veut festif sur scène, dans l'attitude, dans l'esthétique. Et malheureusement, en fait, ce premier album, dans la musique, le son était merdique. Les compos intéressantes, mais un son ultra creux, pauvre, et en fait, on retenait pas grand-chose. Mais le groupe a eu raison de s'acharner. Ouais, complètement, parce que là, ils sortent leur album, c'est Volume of Vomit. Clairement, on reste dans le même délire en termes d'approche. Ce qui change, c'est cette qualité sonore, comme tu soulèves, qui a rien à voir, qui a des années-lumière de ce qu'ils avaient proposé. C'est une sortie... Comme l'album précédent, d'ailleurs, ils sont sur Gorehouse Production. Pour le petit tour de ce qu'ils ont fait précédemment. Côté pochette, on est vraiment sur quelque chose d'ultra tradi, on va dire, dans le gore grind. C'est une espèce de patchwork avec des images collées. Et plus tu zoomes dessus, plus ça devient dégueulasse. C'est ça, on a des boyaux pleins de caca, un type qui est en train de faire un gros dégueulis, et plein d'autres choses qu'on vous invite à consulter par vous-même. Dans le dégueulis, il doit y avoir les têtes des membres du groupe. Exactement. On est vraiment dans ce côté gore fun, caca fun également, parce que c'est un peu le délire de tout ça. Si de prime abord, c'est pas une scène qui me parle plus que ça personnellement. J'aime pas ce côté la surenchère du gore fun, ça a tendance à me gonfler. Et là, pour le coup, je me suis laissé surprendre parce que les compos sont vraiment super chouettes. On s'emmerde pas. Et comment dire, il y a finalement énormément de richesse dans ce qu'ils proposent. T'as des morceaux qui dépassent les 6 minutes, là on va en écouter un tout à l'heure, et ça roule quoi. Ouais, y a pas d'ennui, y a pas de lassitude, y a pas de... Allez, on passe à autre chose, ou c'est du too much. Effectivement, il y a eu un gros level up, donc comme tu l'as dit déjà, dans la qualité de son. Et on apprécie vraiment la qualité des compos. Alors, chacun des membres du groupe, hein, énorme évolution en 7 ans. Et Volumes of Vomit est une réussite. Ouais, complètement. C'est, alors, moi, je vais pas le cacher, j'ai écouté l'album. Et l'album, je me voyais devant la scène. Enfin, clairement, c'est un truc qui va prendre tout son délire sur scène avec 200 mongols en train de tourner en rond et en train de faire le marteau avec la main et de trimballer des bouées, et puis ce sera génial. Puis de toute façon, sur la pochette, clairement, c'est ce qui est attendu. Ouais, c'est ce qui est attendu. Et sur la pochette, en fait, ce qui fait toute la pochette, c'est le logo. Et c'est ce qui fait tout le charme du groupe sur les affiches, parce que, alors je sais pas comment ils se démerdent, mais à l'heure actuelle je n'ai vu qu'une seule affiche où leur logo c'était la typo, mais où il était passé aux couleurs du festival, parce que normalement c'est des couleurs très chatoyantes. Ça reprend clairement le logo de Toys R Us. Exact, oui, j'avais pas fait le lien, mais exact. Ouais. Non, je l'avais pas. Ça reprend le logo de Toys R Us, donc voilà, vous voyez un peu le truc. Et on les voit sur plein d'affiches. Alors moi, j'adore les affiches en Angleterre de ce festival très réputé, le Incineration Festival ou le Eradication, qui sont des affiches avec un line-up ultra extrême. Donc Party Cannon a complètement sa place là-dessus. Sauf qu'ils apparaissent avec leur logo Toys R Us au milieu de tous les groupes de black, avec des logos tous plus baveux les uns que les autres. Et c'est ce qui apporte encore une fois la touche d'intérêt, de décalé du groupe. Sauf que voilà, c'est très déconnant autour, mais musicalement c'est quelque chose de très sérieux, de très bien fait. Ouais, bah on s'en écoute un morceau et puis après on enchaîne. C'est parti. Allez. Non, tu prononces pas le titre? Non, je te laisse faire. 16 Stones Threesome, pour illustrer le focus sur Party Cannon. I'm Steve-O, and this is the Fart Mask. Oh, I'm a dead to shit. Oh. Oh. Quoi, comment ça, on en fait des tonnes? Non, non mais c'était parfait. Je trouvais que le morceau en lui-même, en fait, c'est pour ça que je l'ai choisi. Le morceau résume l'album en 6 minutes, en fait. T'as vraiment toutes les ambiances, tout ce que tu as trouvé sur l'album dans ce morceau. Et ouais, le final, il pourrait être une conclusion d'album, quoi. C'est vraiment chouette. Donc ouais, moi je bien accroché. Et que dire dessus? Si, les descentes de tempo qui arrivent de nulle part et qui te pulvérisent l'estomac, quoi. Donc, et comme tu disais, vraiment la grosse influence que l'on ressent sur ce nouvel album, c'est les Allemands de Stillbirth. Bah ouais, dans ce jeu de guitare, dans le jeu de guitare principalement, et dans la ligne de basse, de temps en temps t'as cette espèce de basse qui sonne, t'as tout qui se coupe et t'entends que là du doum doum doum doum qui vient, c'est ça, qui vient de claquer les oreilles. Du coup bah c'était vraiment chouette. Du coup on a passé un bon moment. Et non, je suis en train d'essayer de voir pour choper l'info de qui a fait non, c'était la ligne juste en dessous que je voulais voir, le mix master. Ouais, c'est qui lui? Parce que ouais, au niveau du son, il me un truc qui me titille. Non, bon, rien de notable, pardon. Au niveau du line-up, il y a des guests sur ce nouvel effort Party Cannon, et on retrouve notamment le Don Kopman, bien sûr, vocaliste de Waking the Cadaver. Donc ça, on l'a déjà diffusé, ce titre là je crois qu'on a diffusé également le titre. On retrouve le vocaliste de Cerebral Incubation. Donc voilà, les mecs ont vraiment franchi un cap énorme. Et il y a au passage également Ross Sewage, dans un style assez différent, bien sûr membre de Exhum, Ghoul et Ex Impaled. Voilà, pour brosser la fin du tableau concernant ce nouvel effort de Party Cannon. Une autre non, bah je... autre chose en guise de conclusion. Ouais, bah en guise de conclusion, allez écouter l'album, sauter sur un live quand il y en aura un. Et puis bah clairement, c'est pas l'album que je vais réécouter personnellement pendant des mois derrière, mais bah ça avait besoin de redorer l'image que j'avais du groupe, en fait. Ça avait besoin de renforcer, de leur donner une seconde chance, tout simplement, et c'est réussi. Voilà. Tout à fait. Et ben après ce nouveau focus, retour et ben à la fin de la diff classique avec un quoi? Non, on va faire une petite publicité. Ah, oh là là, puisqu'il le faut. Vas-y. Voilà. À toi l'antenne. Non, mais c'était juste pour rappeler, bon, c'est dans un petit peu de temps, mais le 6 avril, il y aura Dolch qui va jouer au Red Club à Rochecorbon. À Rochecorbon Tourneur. C'est une soirée organisée par Catharsis. On croise des doigts pour qu'elle ait lieu. Dolch, c'est vachement cool. C'est un groupe qui mixe des influences de plein de trucs différents. T'as du sludge, t'as du doom, t'as du... Ça va dans tous les sens. Ça va être génial. Et c'est 12€ et voilà. Ça va être chouette. Et on espère que la date surtout pourra bien avoir lieu. C'est bon, on peut passer à la suite? C'est bon. Bon, la suite de la div, doublette suivante avec Northwalk et Noskult. Northwalk, c'est du hardcore qui nous vient du Québec. Ils sortent là leur troisième album studio intitulé Crossroads. Sur le titre qu'on va s'écouter ce soir, on retrouve JP, le bassiste, pas du tout, le vocaliste de Get The Shot, hein, c'est leur scène locale après tout. Through Thick and Thin. Et dans la foulée, Noise Cult, groupe de stoner doom assez heavy. Nouvel effort studio, le 8e Seraphic Wizard. Le nouvel album de Noise Cult est déjà disponible et on s'écoutera le titre Psycho-Cérébral Manipulation. I'm gonna let my guard down. to be subjugated. Repent. Your sins will not be tolerated. Confess. Free will is just a lie. La suite et la clôture de l'émission de ce soir. Dernière doublette. Tout d'abord, Ernst. Groupe de Black qui nous vient de Suisse. Geist und Exerais, c'est le nom de ce tout premier effort studio longue durée pour Ernst. On est sur du Black froid, violent, puissant. When the Moon is Calling, c'est le titre qu'on va s'écouter tout de suite. Et en clôture, Nephrectomy, le groupe de slam qui nous vient du Colorado. Ils sortent un très très très très bon quatrième album, sobrement intitulé Myth. Ce nouvel effort de Nephrectomy est déjà disponible. Et on va donc se quitter avec le titre But Fucking the Gut. A noter qu'il est déjà dispo chez Coyote Records. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Et à dimanche prochain pour une nouvelle émission en différé. Ciao, ciao. Yeah! things you hear today? To have fun. You know, every fucking whore says that. I hate that answer. This shit is not fun. So raw, this shit look malignant. I'm a thug baby, so you know I still hit it. Giving fat bitches that sweet deep dickin'. Always unprotected, bitch, 24/7. Oh, dude.